L'ouverture du 13e Festival national de conception de machines a eu lieu le 28 avril au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Les dessinateurs, les enseignants, les chercheurs, les techniciens et les membres des groupes de promotion des trois révolutions de plus de 110 unités d'activité, y compris les services de dessin, les établissements de l'enseignement et des recherches scientifiques, y présentent plus de 580 conceptions, dessins des machines et des programmes de support.